Thank you. Avec une carte son. Thank you. Vas-y, allez, joue. Comme il a dit, Karma. Ton input. Par contre, je suis en... Si c'est une guitare acoustique, je me mets en input guitare. Mais là, avec la basse, je suis en line. Micro line. Je passe par une guitare X, ça marche comme ça. Il faut pas que je passe par X. Alors attends. Déjà, essaye de. Si, normalement, c'est ça. Tu mets un ampli avec une sortie ligne ou guitare, je sais pas. Ouvre une piste sur Reaper et tu choisis le périphérique sur ta carte son et comme dit Karma tu rajoutes en FX guitare. Save time and grace. 2, 3, 4. Quelle est là. Ça marche, hein. Il est bien ton son là. Attends, je recale la batterie. Faut que je parte pile sur le 1. J'ai perdu le métronome. Just a minute. Looking for drum loop. Voilà. Alors, métronome. La bêtise. Ah putain, j'arrive pas à y caler le bordel. C'est bon, hein? Merde. Salut. J'ai un problème avec cette boîte à rythme.